réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment, 6 heures? Et c'est reparti, vive la rentrée. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un bel été, que vous passez encore un bel été, ce n'est pas encore fini. C'est un plaisir et un honneur de vous retrouver pour une 4e saison d'Un autre jour est possible, votre réveil culturel, tous les jours de la semaine de 6h à 6h30. À la réalisation, le toujours fidèle Thomas Duterre, aujourd'hui à la technique Philippe Palares et à la coordination de nouvelles complices, Marie Dalquier et Pascaline Benet. Les deux rubriques habituelles de l'émission, vous les connaissez. Tête chercheuse pour commencer. Un spécialiste viendra durant toute la semaine partager son savoir et sa passion. Et en deuxième partie, tous les jours, un invité du monde des arts, des lettres et des spectacles nous parlera de son actualité et de son humeur du jour. À 6h30, les premières informations et ensuite l'actualité dans les matins de France Culture. Avec l'ami Guillaume Erner qui rejoint notre grande famille, bienvenue sur Culture, service public. Camarade Guillaume, c'est une joie de vous entendre sur nos ondes. Et à l'ami Marc Vinchet, parti diriger France Musique, nous lui souhaitons ici une belle symphonie de succès. Nous sommes le lundi 31 août, c'est la rentrée de France Culture qui coïncide avec la rentrée littéraire. Alors pour les livres, cette année, les têtes d'affiche, on les connaît. Mathias Sénard pour Boussole chez Actes Sud. Christine Angot encore avec Un amour impossible chez Flammarion. Quant à moi, aux alentours de 6h20, je serai avec Tristan Garcia pour 7, publié par Gallimard. Oui, 7 le chiffre, comme 7 petits romans en un volume très secouant, bien frappé. Rien de mieux pour commencer l'année. Vilka är misstänkta? Ingen. Alla. BAJ 32027. Det finns inget svar. Det enda du åstadkommer är att hålla Henrik. Mais le grand événement de cette rentrée des livres, c'est bien sûr la sortie mondiale et synchronisée la semaine dernière du Millennium 4, le premier de la série à ne pas être écrit par son géniteur Stieg Larsson. Cela veut dire au passage qu'on ne va pas échapper, une fois de plus je dirais, au débat autour de la poursuite ou non de l'œuvre d'un écrivain décédé. On va se poser la question bien sûr pour Stieg Larsson, qui est mort il y a un peu plus de 10 ans, et aussi pour Hugo Pratt, mort il y a tout juste 20 ans, et dont le héros, Corto Maltese, renaît à la fin du mois avec une nouvelle aventure signée par un duo d'auteurs espagnols, Ruben Palerero et Juan Diaz Canale. Nous reviendrons sur l'affaire Corto Maltese vendredi, jour de l'actualité de la bande dessinée, mais tout de suite. En compagnie de notre tête chercheuse Guillaume Lebeau, spécialiste des romans policiers, nous allons tout le long de cette première semaine d'Un autre jour est possible analyser, ou du moins questionner, le succès littéraire mondial de Millennium. 30112. Tack för att du kom, Mikael. Det är Harriet. Harriet Wanger, min bror Gottfrids dotter. Vad var henne? Hon bara försvann. Mikael Blomqvist, le journaliste de la revue Millennium, a été condamné ce matin à 3 mois de prison pour diffamation aggravée à l'encontre de l'industriel Hans-Erik Wennerström. Millennium, autopsie d'un succès mondial. Épisode 1, bonjour Guillaume Lebeau. Bonjour et bonjour aux fans de Lisbeth Salander. Je rappelle que vous êtes l'auteur de 2 livres sur Stieg Larsson, Le mystère du 4e manuscrit en 2008 et Stieg Larsson avant Millennium, c'était en 2012. Mais avant d'évoquer Ce qui ne me tue pas, le titre du 4e tome de la saga Millennium qui vient de sortir, on en parlera jeudi, et des réactions enflammées qu'il ne cesse de provoquer, avant de se poser la question de savoir si les ayants droit de Stieg Larsson, à savoir son père et son frère, ont eu raison ou pas de poursuivre les aventures de Mikael Blomqvist et de Lisbeth Salander, contrairement d'ailleurs à la femme qui a partagé la vie de l'auteur décédé et qui, elle, était résolument contre. Revenons sur ce succès hors du commun. Pourquoi, d'après vous, la trilogie Millennium a-t-elle cartonné partout dans le monde ? plusieurs raisons au succès international de Millennium. La première, c'est qu'il s'agit tout d'abord, et on oublie souvent de le rappeler, d'un excellent roman policier, d'un excellent polar. Alors c'est un peu plus que ça même, c'est un excellent thriller, puisque je rappellerai qu'on parle souvent à tort de trilogie Millennium. Ce n'est pas une trilogie. Ça n'a jamais été une trilogie, Stieg Larsson n'a jamais voulu faire une trilogie. Il s'agit d'un tome isolé, donc du premier tome, qui fonctionne tout seul et qui est un hommage appuyé au polar classique, presque à la Agatha Christie, une île, une énigme insulaire. Ça se passe à Stockholm pour partie, dans l'île fictive d'Edeby pour la seconde partie. Stieg Larsson voulait faire un hommage appuyé donc dans ce premier tome à une littérature policière et criminelle classique. Ensuite, très clairement, on est face à non pas une suite, mais à un diptyque qui, lui, n'a plus rien à voir avec le polar classique, mais avec le thriller et le roman d'espionnage. Encore une fois, une volonté de son auteur. Stieg Larsson voulait, cette fois-ci, dans ces deux tomes qui fonctionnent comme un diptyque, il voulait rendre hommage à cette littérature qu'il appréciait, qui était une littérature d'espionnage, une littérature dite, qu'on appelle aujourd'hui, plus trivialement, le thriller. Donc, la première des raisons du succès de ces trois ouvrages, c'est très clairement qu'on est face à une somme, plus de 2000 pages, qui chamboule en fait, et peut-être pas révolutionne, mais chamboule en tout cas les littératures criminelles internationales. Il est clair que le lecteur s'y trompe pas, il trouve du sang neuf, il trouve des nouveaux personnages, et là on va arriver à la deuxième clé du succès de Millennium, les personnages, et surtout le personnage, parce que souvent on dit les personnages, on parle de Michael Blomkvist, mais Blomkvist est très falot en fait dans la trilogie. Celle qui évidemment tient la vedette et le haut du pavé, c'est Lisbeth Salander. Et là, l'idée de génie, très certainement de Stieg Larsson, c'est d'avoir à la fois fait de Lisbeth Salander une espèce de héros masculin à la place, finalement, du héros attendu. Il met une héroïne, mais elle tient le rôle qu'on attribue généralement à l'homme, et d'en faire une victime absolue. Une victime de la science, une victime des hommes, une victime de la société. À ce titre-là, en faisant d'elle une victime absolue, il provoque une empathie absolue. Et donc évidemment, qui dit empathie absolue, dit que le lecteur va vouloir absolument suivre Lisbeth Salander dans ses aventures. À nouveau, super Blomkvist. T'en as fait couler de l'encre à ton sujet. Si je trouve pas mon bonheur dans tout ça... Je dois avouer que tu sais écrire. C'est mordant, direct. Tu mâches pas tes mots. T'as dû te faire un paquet d'ennemis avec tout ce que tu déballes. Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est un roman qui, en épousant les codes du polar, raconte le monde d'aujourd'hui? Je rappelle que Millennium a été publié d'abord en Suède, de juillet 2005 à mai 2007. Millennium, oui, d'une certaine façon, mais je rappelle aussi qu'il a été écrit par un journaliste. Donc quelqu'un qui était immergé dans l'actualité de son époque. Millennium, oui, raconte, alors peut-être pas le monde d'aujourd'hui, mais en tout cas la Scandinavie de l'époque, parce que c'est déjà l'époque. Je rappelle que Millennium a été écrit en fait sur une période qui va en gros de 2000 à 2004. Il est clair que ça ne parle déjà plus de la Scandinavie d'aujourd'hui, mais de la Scandinavie des années 2000. Il est clair que dans Millennium, on retrouve en fait des éléments comme la crise économique, comme le poids du passé, et notamment du passé collaborationniste de la Suède, dans cette famille Wenger de tueurs qui est en fait le parangon de l'industrie déclinante de la Suède, et qui abrite en son sein des terribles prédateurs. Alors prédateurs non plus économiques, mais cette fois-ci des prédateurs, des assassins. Donc effectivement, il parle d'une certaine façon de son époque, mais je pense que surtout, il développe ses personnages. Et ça, c'est une caractéristique des auteurs scandinaves. Les auteurs scandinaves ont bien compris une chose, c'est que la caractérisation, en fait, c'est la base, la clé de voûte du système romanesque. À ce titre, je pense que Stieg Larsson, lui, l'a poussé, en fait... Il a repoussé encore les limites du développement des personnages en n'ayant pas peur de travailler comme un forcené. Il en est mort. Hein. Il est mort d'une crise cardiaque, très certainement liée au surmenage, à son style de vie très dynamique. En remettant les manuscrits, donc le succès Planétaire est un succès posthume. Il n'a jamais vu ses livres en librairie, il n'a jamais su qu'il avait du succès, il n'a même jamais techniquement touché l'argent, en fait, ce qu'on appelle les avaloirs, donc l'équivalent d'à peu près 60 000 euros que lui avait accordé Norstedts pour publier ses, à titre d'avaloir ses trois premiers romans. Son éditeur suédois, donc. Son éditeur suédois, tout à fait. Il n'a jamais vu cet argent, puisque il y a eu, pour des raisons qui sont des raisons de technique bancaire, les virements n'ont pas été faits avant sa mort, donc il n'a même jamais vu, en fait, cet argent. Donc ni succès, ni argent. Il est mort simplement en ayant la certitude, et il l'a dit à nombre de ses amis, que Millennium serait un succès international. Le succès est dû à un facteur qu'on a un peu négligé, qui est celui, en fait, ce que j'appellerais le mal pour le mal. Très clairement, dans Millennium, il est véhiculé une idée simple mais radicale, qui est tu me violes, et c'est le cas de Lisbeth Salander qui se fait violer, je me venge. Tu m'agresses, je me venge. Je pense que très clairement, cette idée, qui est une idée qui est véhiculée par Sigerson pour des très bonnes raisons. Hein. Il a assisté dans son adolescence à un viol collectif. Il n'est pas intervenu pour arrêter ce viol-là parce qu'il a eu, je pense, peur, ou il a été tétanisé. Enfin, il n'a pas su, en fait, réagir à cette situation-là. Il s'en est toujours voulu. Je pense que cet épisode-là est constitutif chez lui d'une volonté très forte de montrer qu'en fait, on ne peut pas combattre le mal absolu en étant un bisounours. Très clairement, Lisbeth Salander n'appartient pas au monde des bisounours. Elle rend coup pour coup. Je ne dis pas, je ne juge pas, il n'est pas question là de poser un regard moral sur ça, mais c'est une réalité. Finalement, ces trois volumes, règne l'idée, plane cette idée qu'en fait, face finalement à des gens qui nous attaquent, alors que ce soit financièrement, que ce soit physiquement, on doit répondre. Je rappelle que Stieg Larsson a passé sa vie à combattre l'idée la plus nauséabonde qui soit, l'extrême droite, le fascisme. Il y a consacré sa vie et finalement a montré dans sa vie que effectivement il fallait répondre aux attaques. Il a lui-même attaqué, il est allé lui-même en Érythrée à l'âge de 22-23 ans, il sortait de son service militaire national, il est allé en Érythrée apprendre le maniement des armes lourdes à des rebelles marxistes qui se battaient pour l'indépendance de l'Érythrée. C'est dire son niveau d'engagement politique et idéologique. Donc, je pense que si il y a eu succès, c'est parce que beaucoup de lecteurs dans le monde, peut-être, aujourd'hui, dans un monde qui devient très très dur, peut-être se disent que finalement, oui, il est temps de rendre les coups qu'on prend. Et ça ne veut pas dire qu'il faut tuer les gens. Lisbeth Salander ne tue personne. Michael Blomqvist ne tue personne. Mais ça veut dire qu'on fait plus confiance. La justice. Oui, mais on fait plus confiance à l'État, à la justice. C'est la problématique morale posée par Millennium qui effectivement véhicule cette problématique qui est-ce que on doit faire confiance ou non à l'État? Est-ce qu'on doit prôner finalement l'œil pour œil, dent pour dent? En tout cas, je pense que ça n'a laissé aucun lecteur indifférent. Après, quand on parle de succès international, j'aimerais pondérer quand même un petit peu les choses. Certes, il s'est vendu pratiquement 70 millions d'exemplaires, tout confondu, toute édition confondue des trois volumes. Mais quand on analyse finement, en fait, qui lit et qu'est-ce qui est lu dans cette masse, on s'aperçoit en gros, le premier volume, les gens le lisent tous, ils l'adorent. Quand ils s'attaquent au deuxième, comme on change de tonalité et de registre, et qu'on n'est plus dans du polar classique mais dans du thriller, en gros, à peu près la moitié du lectorat qui abandonne avant d'avoir terminé le livre. Et on s'aperçoit qu'il y en a encore une moitié qui, au troisième volume, ont abandonné carrément en cours de route le troisième. Donc finalement, la somme des lecteurs est vraiment à pondérer. Il n'y a pas 70 millions de lecteurs. Il y en a vraisemblablement beaucoup moins. Pourquoi ? Simplement parce que les vrais lecteurs de polar lisent du polar classique. Voilà. Et Stieg Larsson a fait un premier volume qui est du polar classique, comme je le disais tout à l'heure, et deux autres qui sont du thriller, qui est un genre moins lu. Donc en gros, il y a une érosion quand on analyse le système de la grille de lecture en fait de ces trois volumes, il y a une érosion du lectorat qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle de succès international, il faut quand même pondérer les choses. Il y a eu succès sur le premier volume indéniablement parce que le premier volume correspondait en fait à une attente classique, à une attente d'un public qui veut du polar de facture en fait presque académique. Et puis au-delà même, avec ces titres à tiroir énigmatique, ça attire un public. Est-ce que on peut parler aussi d'une campagne pour vendre et installer Millennium? Alors, je pense pas. Je pense que les titres à rallonge, les titres originaux, sont les titres que voulait en fait Stieg Larsson. Donc ces titres à rallonge, il s'est battu pour les préserver, parce qu'évidemment l'éditeur n'est jamais convaincu qu'un titre à rallonge est le meilleur est la meilleure façon de vendre un livre. On pourrait prendre l'exemple d'Harry Potter. Il y a 1200 pages, c'est trop. Les gamins vont jamais lire autant. Voilà. Le titre, c'est la même chose. C'est trop long. Le lecteur va pas retenir. Donc Stieg Larsson s'est battu sur ces titres. Je pense pas que ça soit du marketing. Je pense que les hommes qui n'aimaient pas les femmes, alors problème de traduction quand même, il faut le souligner en France, attar est un verbe qui en suédois veut dire haïr. Le vrai titre, la vraie traduction serait les hommes qui haïssent les femmes. Pas les hommes qui n'aiment pas les femmes. On a le droit de ne pas aimer les femmes. Les haïr induit autre chose que le fait de ne pas les aimer, ça peut conduire à les tuer. Ce qui explique d'ailleurs plus précisément, sans spoiler, la nature de ce premier volume. Je pense que les titres à rallonge, c'est pas du marketing. D'ailleurs, rien n'est du marketing dans Millennium. Et le succès de Millennium, en fait, ce sont les lecteurs qui font le succès de Millennium, vraiment. Parce que l'écriture est simple, parce que même si le récit est labyrinthique, tout le monde se retrouve, parce que le réalisme sombre qui se dégage des écrits de Stieg Larsson finit par nous donner une envie d'optimisme, hein, parce qu'il y a des battants dans cette trilogie. Hein, donc deux battants qui sont antagonistes, entre la cyberpunk qui est très violente, qui est une femme d'action, et le journaliste d'investigation qui est peut-être un peu falot et qui se laisse beaucoup plus séduire qu'autre chose. Ils sont tous les deux nous donnent envie de nous battre pour que le monde soit meilleur. Alors, il y a un système d'écriture chez Stieg Larsson, mais qui est un système d'écriture suédois, hein, scandinave. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de redites. C'est-à-dire qu'on prend la peine de toujours rappeler où on en est, ce qui se passe, quitte à résumer, quitte à avoir parfois l'impression d'un peu de lourdeur. En fait, non, c'est juste un système finalement très audiovisuel. C'est le fameux système d'écriture des séries où on vous rappelle, avant de commencer le nouvel épisode de votre série favorite, on vous rappelle ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. Ça permet de jamais perdre le fil. Donc ça, c'est déjà un système d'écriture qui permet l'addiction en lecture. Ce qui fait qu'on ne lâche pas Millennium. C'est-à-dire qu'une fois qu'on lit vraiment Millennium, effectivement, il est très dur de le reposer. Les témoignages de lecteurs sont nombreux dans le monde. Tous ont eu ce même sentiment de « une fois que j'ai commencé, je ne pouvais plus m'arrêter ». C'est simplement un système d'écriture qui fait ça. Il est clair que quand on vous entraîne par l'écriture quelque part, vous ne pouvez plus lâcher votre lecture. Ensuite, c'est une machination pour une trilogie qui dénonce toutes les machinations possibles. Oui, mais en fait, après, il ne faut pas rentrer dans trop de décryptage. Je pense que Stieg Larsson était extrêmement sincère. Il a commencé à écrire très tard. Et ce n'est pas un projet qui est né à 18 ans. Il a commencé à écrire ces trois volumes très tardivement dans sa vie. Et pour des très bonnes raisons, simplement par plaisir, parce qu'il voulait simplement écrire ses romans. Justement, demain, suite de notre série, toujours en compagnie de Guillaume Lebeau, Millennium, autopsie d'un succès, et demain on parlera de Stieg Larsson. À demain, Guillaume Lebeau. À demain. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Bonjour Tristan Garcia. Bonjour. Ravi de vous recevoir pour redémarrer cette saison d'Un autre jour est possible. Le titre de votre dernier roman paru dans la collection Blanche de Gallimard est un chiffre, 7. 7 comme les 7 mini-romans qui le constituent. 7 contes modernes où nos contemporains vont être coincés dans une drôle de faille spatio-temporelle, du fantastique pour mieux cerner le réel, car ce n'est pas proprement parler des mini-romans SF, même si la mise en contact de deux époques temporellement éloignées toujours au cœur des histoires, deux époques ou deux corps, deux entités. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir parce qu'il y a tout ce que j'aime dans la littérature, l'écriture excellente, le rêve, l'évasion, pour mieux être dans le réel et pour mieux comprendre notre monde. Et puis, surtout, c'est votre livre d'adulte. Vous l'avez écrit cette année, c'est-à-dire vous avez 33 ans, c'est bien ça. C'est le roman de vos 33 ans, mon cher Tristan Garcia. Comment s'est partie cette idée de partir de mini-romans? Au départ, alors il est toujours difficile de traquer l'origine d'un livre, surtout quand c'est un livre un peu kaléidoscopique comme celui-là, qui a des origines multiples. C'est lié à des amitiés. Chacun des textes est lié à un ami, à des conversations sur des années, sur une obsession. Chacun des textes parle d'une obsession, soit pour la musique, pour le rock, pour la politique, l'histoire du gauchisme en France. Mmh. Ce sont à chaque fois des obsessions très contemporaines pour essayer de comprendre ce que nous sommes, quelle est notre condition, mais en faisant un grand détour, et en faisant le grand détour de l'imaginaire, en utilisant une forme folle qui m'est venue à chaque fois dans ces discussions amicales. J'ai dit conte fantastique pour ne pas dire science-fiction, parce que ce n'est pas vraiment le modèle de la SF. Comment vous définiriez ces 7 romans qui constituent votre dernier livre ? J'ai tendance à considérer que la littérature réaliste, c'est une littérature qui exerce une pression comme une sorte de tenaille sur son matériau et qu'on peut relâcher plus ou moins cette tenaille et du coup faire entrer plus ou moins de possible dans la réalité. Et l'idée de chacun de ces textes, c'est d'infiltrer un petit peu de possible, de relâcher la tenaille du réel pour que s'infiltre un peu de possible, un peu de folie dans un matériau contemporain, réaliste, puisqu'à chaque fois il s'agit de milieux du monde d'aujourd'hui, qui sont décrits minutieusement, avec souvent beaucoup de références, beaucoup de noms, de marques, des lieux. Donc d'essayer de produire une légère infiltration du possible et de la folie dans le monde contemporain. Et il me semble que c'est par ce détour, en tout cas, que j'aimerais saisir ce que nous sommes aujourd'hui. Comment travaillez-vous les personnages de vos romans, Tristan Garcia ? C'est un grand mystère. Assez généralement, ce qui me vient en premier, ce sont les noms. J'ai une sorte d'obsession pour l'onomastique, la science des noms. Donc d'abord, à partir du moment où je trouve un nom, un prénom qui me convient, il faut qu'il sonne, il faut qu'il signifie quelque chose. Le nom de la top modèle s'appelle Sanguine, par exemple, un personnage féminin qui s'appelle Hardy. Mmh. Une fois que le nom vient, petit à petit, le personnage découle du nom, son apparence physique, son caractère. Mais c'est le nom qui vient en premier, à chaque fois. Le plus grand plaisir que j'ai à écrire, c'est un plaisir de construction. C'est-à-dire de planification, d'avoir des papiers sur lesquels je vais faire des listes, des plans, des biographies de mes personnages derrière. Vous le faites ? Oui, bien sûr, je les dessine aussi souvent. Et du coup, ce que je préfère, en fait, c'est ce moment d'élaboration, de construction d'un monde. Et après, j'ai plus de difficultés toujours dans la réalisation, dans la rédaction, en fait, dans la réalisation du livre lui-même. Et bien, on va en parler, justement. Tiens, prenons le premier personnage, ce dealer qu'on aurait pu croiser à la Villette. L'idée était d'avoir, avec ce personnage, et puis un autre qu'on croise un peu plus loin qui s'appelle le docteur, de personnages un peu blasés. Le docteur est un peu plus vieux, c'est un homme des années 60, c'est un homme de la contre-culture, c'est un homme qui a connu ce qui a été la grande jeunesse du siècle, c'est-à-dire la jeunesse 68arde. Et surtout, c'est quelqu'un qui est riche, contrairement qui est riche. Alors que le dealer vient, lui, du nord de Paris, et c'est quelqu'un qui a aussi son âge d'or, plutôt les années 80. Oui, où ça pouvait être possible, même pour un type comme lui, disons. Voilà. Et ce sont deux types qui, chacun, ont vécu leur âge d'or et qui ont donc l'impression de survivre dans leur propre vie à, disons, la période d'intensité maximale de leur vie. Désormais, ils ont l'impression que leur vie est plutôt en pente descendante, que toutes les intensités de ce qu'ils vivent ont tendance à diminuer. Et ce premier personnage, ce personnage qui écoute aussi bien la souris déglinguée que Clash, et qui est un dealer. Oui, moi, je l'ai croisé un certain nombre de fois, en fait. Ouais. Oui, mais dans votre tête. J'habite dans le nord de Paris. Je l'ai croisé dans ma tête, et comme souvent, c'est un mélange de 3-4 personnes connu. Et parfois, il suffit très très peu pour cerner quelqu'un. Il suffit de le croiser en soirée. Il suffit d'avoir une vraie discussion quand il a bu un peu pendant une heure et que quelqu'un vous raconte son passé. De restituer la psychologie des personnages en un seul paragraphe, c'est ce que vous faites pour plusieurs personnages. Et ce qui fait justement la force de votre roman, c'est que plus que jamais, on a l'impression que vous avez saisi le présent. Et on passe, si vous voulez bien, Tristan Garcia, à la dernière nouvelle. Hein. C'est une nouvelle qui a pour titre 7. Et c'est l'histoire d'un immortel qui va connaître 7 vies. Incroyable. C'est le texte qui fait tenir ensemble les autres. Voilà. Pas forcément explicitement, c'est-à-dire il n'y a pas un truc de narration qui dit que en fait les différents personnages des nouvelles précédentes étaient les mêmes ou étaient les masques d'une même identité, mais il me semble que en la lisant on comprend la nécessité de mettre ces textes ensemble, parce que l'idée au fond c'est que ce que le dernier personnage va vivre en étant immortel durant cette vie, chacune des vies est un peu comme chacun des textes qu'on aura lu auparavant. Et qui se cache derrière ce personnage énigmatique? Effectivement, il n'a pas de nom et j'ai pas réussi à lui en trouver. Probablement que c'est moi ou que c'est l'impression que j'ai pu avoir au fil de ma vie de vivre des vies possibles différentes, des vies tentées par la mystique, des vies tentées par le plaisir, des vies tentées par la connaissance. Disons chacune des vies possibles, des vies que j'aurais pu mener ou probablement que chacun d'entre nous a l'impression d'avoir pu mener à un moment de son existence. Ici, il devient concrètement une vie tout entière. Au niveau littéraire, je pense que c'est votre meilleur roman. Bravo. 7. Tristan Garcia. J'ai essayé en tout cas de faire quelque chose comme une somme de choses que j'avais tentées dans mes précédents livres, avec l'idée que d'au moins expérimenter quelque chose qui me manque parfois dans la littérature contemporaine, dans la littérature française contemporaine, c'est un certain sens du risque. Et j'espère avoir tenté un livre fou, un livre un peu étonnant. Je ne sais pas s'il est réussi, jusqu'à quel point il est réussi, mais au moins d'avoir tenté jusqu'au bout une expérience littéraire. Pour terminer, Tristan Garcia, avez-vous un projet particulier en cette entrée? J'aimerais arriver à faire un texte politique. Ce que j'ai fait jusqu'à présent, ce que j'ai écrit, était toujours un peu dégagé politiquement, et je sens maintenant l'envie d'écrire quelque chose d'engagé. Après vos 33 ans, tout est possible. Merci, je rappelle que votre dernier livre, 7, est édité chez Gallimard. À bientôt. Merci beaucoup. Cher Tristan Garcia.